pas dû le traîner jusqu'ici. J'ai les deux mains qui suent et j'ai encore rien dit. Penses-tu qu'elle m'a vu? Je la sens d'ici. J'ai manqué mon cue. J'ai manqué son cue. Si je n'avais pas dû te forcer jusqu'ici, j'en crois que t'es foutu. Mais pour qui je l'ai pris? Pour que tu sois vu, afin d'être choisi. Soyez c'est donc Q. Bouge un peu ton Q. Tu n'aurais pas dû me traîner jusqu'ici. C'est comme l'impression que tu le sens, là. C'est ça, reste à grâce, hein.